Tala lokola bako selinga mpote oboyanga Okamati nzela okena katanga Okanisi solo na boya kiyo Na mote mananga okamati esika monene ya bolingo Mwayanga na ningana te Mobali yoso alukanga na libala nzambe na mona yempama Ae ae ae ozali mwana ya Kongo na mona yo motindo Oh oh oh oh otambisi ngai moto ozongi Lubumbashi Laisse-toi aimer, non comme ici n'est malheureuse, bien puissant ce qui n'a l'enda. Honoré mi emi, baba, comme un akulise yeyote, la kine na kupenda. Namona yo motindo Oh oh otambisi ngai moto Ozongi Lubumbashi Laisse-toi aimer Okomisi ngai malheureuse Yebisa soki na landa Honore mi emi baba Kama na pulize yeyote Lakini na kupenda Oh, cousine, c'est bon Laisse-toi aimer Fais ta belle Laisse-toi faire Kini nakuu